supporter mon fardeau. Jeter la tête en arrière et souffler quelques mots. Ouvrir nos veines et nos artères au son des trémolos. Sur la terre de nos ancêtres, la vie renaîtra peut-être à l'orée du faubourg. Où la gloire éphémère joue un mauvais tour. Quatre croches et un soupir pour supporter nos croyances. Des sanglots pour un empire en guise de bienséance. Doctors and highway, cool wind in my hair. Warm smell like a leader, rising up through the air.